On peut me clouer en haut d'une croix. Je me fous du regard que les autres portent sur moi. On peut m'insulter de tous les noms qu'on veut. Je me fous de tous ces gens qui me jetteraient au feu. On peut me pousser d'en haut d'un pont. Je me fous de tomber si ça n'est pour de bon. On peut m'incendier, me brûler, me faire peur. Je me fous de tout perdre en moins d'un quart d'heure. Je me fous de tout, surtout de toi. Je me fous de toutes ces mains posées sur toi. Je me fous, oui, de tout. Je ne veux plus de toi. Je me fous de tout. Je suis prêt à vivre sans toi. Jusqu'à perdre mes forces. Je m'en fous si c'est pour échapper à ton corps. Je pourrais m'enfuir à l'autre bout du monde. Je m'en fous si c'est pour échapper à l'hécatombe. Tu vas me tuer si je reste avec toi. Laisse-moi m'en aller, je ne veux plus de toi. Tu en retrouveras qui veulent mourir pour toi. Je t'en prie, disparais et oublie-moi. Je me fous de tout, surtout de toi. Je me fous de tout, de toutes ces mains posées sur toi. Je me fous de tout, je ne veux plus de toi. Je me fous de tout, je suis prêt à vivre sans toi.